Ninguna falsa, no fuese de grome, con puya no taita, no fuese valime, alba ni el triqui, se mame, chare, pistame, se esquechique, y el dolor no era de sal. Salut à toutes et à tous pour ce nouvel épisode d'À l'Ouest, rien de nouveau. Avec Marta Marchignac, autrice du livre sur la scène punk et oi polonaise Transnational Punk Communities in Poland, From Nihilism to Nothing Outside Punk. Bonjour Marta. Bonjour Suri, comment ça va? Eh bien, ça va toujours bien depuis la semaine dernière. Très bon. Voilà, donc on reprend avec la deuxième partie de ta playlist. Et on va commencer avec un grand, grand classique, hein. Oui, on peut dire ça. Mais The Analogues, ce groupe, ils ne jouent pas ce morceau depuis plusieurs années. Ok, donc ça reste du coup quand même un Oui. morceau pas très connu d'un groupe connu, quoi. Oui, on peut dire ça, mais dans les années 90, tout le monde connaissait cette chanson, mais pas. Récemment, c'est différent puisque ce groupe a une audience différente, on peut dire, Ok. qu'à cette époque-là. Ça a changé d'ambiance, quoi. Oui. Alors, The Analogues, c'est un groupe assez connu. Ce morceau est sorti sur la première cassette du groupe en 1996. Ce groupe vient de Szczecin, c'est une ville dans le nord-ouest de la Pologne où se trouve également un de nos plus anciens labels punk, Jimmy Jazz Records. Cette cassette est sortie lorsque ce label s'appelait encore Rock'n'Roller. Le début de ce morceau est devenu l'inspiration pour une série de disques contenant le morceau de différents groupes dans les années 2000, qui ont sorti en tant qu'un cadeau gratuit lorsque vous achetiez le fanzine Garage. Ce fanzine était très populaire, très connu dans le pays entier, en Pologne. Tout le monde l'achetait. C'était Garage et Passage, les deux plus importants fanzines en Pologne. Le titre de cette série était « Conduis-moi rue ». On parle à la rue. Ce morceau parle de la rue en termes presque mystiques, on peut dire. Il commence par une description d'une ville sale, avec des couloirs habités par des prostituées. Mais la personne qui parle marche en avant tout seul. Il se sent très solide dans cette rue, presque comme s'il était déjà entré au ciel. Il contient la déclaration qu'on n'abandonnera jamais nos rues et nos villes, puisque la rue, c'est le seul endroit où le temps passe, elle restera ici pour toujours. C'est ici que tout se commence et tout prend sa fin. On disait que c'est une vision très romantique, on peut dire, de la rue. Oui, ouais. C'est un thème hein, qui se retrouve quand même dans, bah, je pense, à peu près tous les pays, hein, en tout cas dans la scène punk, oi, le thème punk, de la rue, punk, là, oui. Ouais. C'est un thème très, très classique, on va dire. Thank you. Donc voilà, c'était The Analogues avec le titre Ulitsa. Et ensuite, qu'est-ce que tu nous as préparé? Ensuite, on a le groupe Pravda, ce qui veut dire la vérité. Le titre de morceau, c'est Przyjacielu mój. Alors, on parle à un ami, mon ami. C'est le titre du morceau, qui est encore plus ancien, je pense, puisque il fait référence à une personne réelle dans l'histoire du punk à la ville de Wrocław, à l'ouest de la Pologne. Dans cette chanson, la personne qui parle de son ami et à son ami. Cet ami a évidemment un problème avec lui-même qui est assez profond. Un de ces jours, ça va finir mal. Les paroles sont presque poétiques, on peut dire. Les amis ne se comprennent pas. L'ami en question est entouré par d'autres gens qui ont peur, par un dieu qui a une arme dans sa main. Alors, ce n'est pas une bonne situation là. Non, mais c'est très symbolique, quoi. Oui. Donc c'était Pravda avec Cheyachielumoy. Moi, yes. Oui. Je suis pas, je pense que je suis pas trop au top aujourd'hui le niveau prononciation. Il y a Oh, des c'est jours pas avec et vrai. des jours sans. Mais bon. Ensuite, je pense que tu nous emmènes de nouveau vers Varsovie. Oui, Ah, ouais. exactement, avec Nowy Świat. C'est le nom de ce groupe, c'est Nowy Świat. Le nom fait référence à une rue très connue et très ancienne dans le centre de la ville de Varsovie. Si vous étiez à Varsovie, je suis sûre que vous étiez à Nowy Świat, parce que D'accord. c'est un endroit très touristique. Verbatim, ça veut dire le nouveau monde. C'est le nom de cette rue et de ce groupe. Et le morceau, lui-même s'appelle L'Era de Nuit. C'est un morceau d'un groupe qui s'appelait L'Era de Nuit, qui jouait dans les années 80. Donc, c'est un hommage à ce groupe et aux idées contenues dans ces paroles très simples, qui vous encourage à sortir et à rencontrer le punk. Il faut courir et aller au concert de ce groupe Nowy Świat, rencontrer des gens dans le club. Il mentionne des noms de différents clubs qui étaient importants dans l'histoire du punk polonais à Varsovie et à Gdańsk, puisque le groupe L'Era de la Nuit, ils viennent du nord de la Pologne. Pas exactement de Gdańsk, mais les environs de Gdańsk. Ce morceau a été enregistré en 2006, mais l'année dernière, un autre album est sorti sur un 33 qui s'appelle The Story of Nowy Świat Volume 1. Je le recommande, c'est un album intéressant. Je me souviens des concerts de ce groupe lorsqu'ils étaient populaires à Varsovie à l'époque. C'était Nowy Świat avec Nocne Czury. Oui. Ensuite, ben, tu nous as choisi un groupe qu'on a déjà pas mal joué aussi dans nos émissions et qu'on aime bien. Et c'est Podwórkowi Chuligani. Alors, vous connaissez cette chanson, Rude Boy Janek? C'est très, Oui. très populaire. Okay. So, Podwórkowi Chuligani, ils viennent de Płock, en Mazovie, la région. C'est la même région que la ville de Varsovie. C'est Płock, pas loin de Varsovie. Ils sont très connus en Pologne. Ils jouent du ska punk, alors vous savez tout ça. Et le morceau parle d'une rencontre amoureuse entre un rude boy et une skinhead girl. Mais c'est très drôle, puisque le rude boy aime boire beaucoup de bière. Il se croise dans un bar. Alors, Janek, le personnage principal dans ce morceau, il écoute le rocksteady beat. Et puis, elle, la skinhead girl, elle entre dans le bar. Une telle soirée ne reviendra jamais. Mais l'histoire se finit dans une ambulance puisque Yannick a bu un peu trop. Voilà, il a raté l'occasion, quoi. Oui. Il a tout foiré, Yannick, quoi. Oui, c'était Podwórkowi Chuligani avec Rude Boy Yannick. Oui, celui-là, c'était simple à prononcer. Ouais, ça va. Okay. Ça va encore. Ensuite, tu as choisi un groupe que j'avoue, je ne connais pas. Alors, présente-le-nous. Alors, ce n'est pas un groupe très connu. Ils étaient un petit peu connus à l'époque, dans les années 2000. Ils ont changé. Après quelques années, ils ont changé du style. Alors, ce que vous entendez ici dans le morceau que j'ai choisi, ce n'est pas vraiment ce qu'ils ont joué après quelques années, puisqu'ils ont changé du style un peu. Mais ce morceau, c'est le ska pur, on peut dire. C'est une très belle mélodie qui, les paroles parlent de promenade dans la vie, encore, cette promenade dans la ville. Ils viennent de Szczecin. Avant, les promenades qu'ils préfèrent, ce sont celles que l'on fait avant le lever du soleil. Alors, quand la nuit est là, mais le jour commence lentement, on peut dire. À l'aube, quoi. Il parle de l'insomnie aussi. Alors, ces deux groupes, Vespa et Hooligani, ont marqué cette période pour moi du début des années 2000. Dans cette période, on a vu à Varsovie le mélange. C'était très, très intéressant puisqu'on pouvait voir beaucoup de groupes de différents genres jouer parfois à l'occasion du même concert. C'était très, très fun pour moi. c'était Vespa avec To Miasto. Ça aussi. Oh, le titre, ça veut dire cette ville, tout ouais. simplement, cette ville. C'est très facile à prononcer, ça, tout va bien. Ok. Finalement. Ouais, il y a quand même quelques trucs des fois faciles à prononcer. Hein. ensuite, tu nous as choisi un petit morceau de Pop Rosto. Oui, c'est un groupe très intéressant. Je vous encourage à explorer ce groupe un petit peu plus tard, peut-être, si vous avez du temps, si vous comprenez un petit peu le polonais. Alors, ce morceau particulier, Pop Rosto, ça veut dire tout simplement le nom du groupe. Le titre du morceau, c'est Prostagram, qui veut dire un jeu simple. Tout dans la Alors, simplicité, quoi. oui. On reste dans la simplicité aujourd'hui. Alors, ce morceau date d'environ au milieu des années 80. Ce groupe n'est pas très connu en Pologne, mais ils jouent depuis très longtemps. Ils sont très old school, si je peux le dire, dans leur style, dans tous les aspects possibles de cette description old school. Les paroles sont un simple beat, un simple rythme, un simple jeu. Et alors, j'ai une voix désastreuse, je ne sais pas chanter. Et c'est tout. C'est la parole complète. Voilà, comme ça, c'est clair. Oui. Mais cela étant dit, les guitares dans ce morceau sont excellentes, à mon avis. C'est très énergétique lorsqu'il joue ce morceau live. Parfois, il improvise quelques autres paroles, ils ajoutent aux paroles de ce morceau. Ah, d'accord. Ils improvisent, ok, sur scène ou, ouais. Oui, sur scène, oui. D'accord. J'adore ce groupe parce qu'il est très fan de le regarder sur scène. C'est toute une performance, du coup, quoi. Oui, surtout le chanteur. Il est très bizarre. Il s'habite d'une façon très bizarre. C'est toujours fun de le rencontrer, de le voir sur scène. Ils ont vraiment l'esprit du punk à l'ancienne, on peut dire. Ce qui est pas mal aussi, hein. Oui. Mam sobie w tej głowie unieść nie dać. Bon, on va quitter les années 80 en tout cas. On vient plutôt là vers début 2000 avec un groupe qui s'appelle des Windows. Windows, oui, c'est Ouais, c'est comme ça. le système opérationnel Windows. Le morceau s'appelle Du sel sur les blessures. C'est sympa. Pas du tout. Alors, c'est un groupe de Katowice en Silésie qui joue beaucoup depuis une vingtaine d'années déjà. Ils ont sorti plusieurs albums. À cette époque-là, ils avaient deux chanteurs, une femme et un homme qui chantent toujours dans ce groupe aujourd'hui, mais la femme est partie. Les paroles sont un peu abstraites, on peut dire c'est comme un poème, un petit peu. Alors, cette nuit est à nous, peu importe ce qui se passe demain, on ne va pas dormir, la ville va s'enflammer. Lorsque la haine remplace la peur. Il y a encore, il pose des questions. Il y a combien de temps depuis le soleil a brûlé tes yeux? On va jeter du sel sur des blessures. C'est très poétique. Bon, c'est un petit appel à la révolte, quoi, hein. Un petit peu aussi, oui. Jeszcze zubienia, czy do stracenia nie ma już nic. Czy jeszcze masz coś do powiedzenia? Czy jeszcze masz aż na tyle sił? Lejny ranek z duszą na ramieniu, kiedy zapada wzrok. Kolejna noc zupełnie samemu, następny dzień by wyrównać krok. Ta noc jest nasza i chyba to wiesz, a jutro nie wszystko wali się. Noc jest nasza i chyba to wiesz. Powiedz mnie ostatni raz. Świeciło ci prosto w oczy. Sypiemy sól do rozszarpanych ran. Daleko nie przez panej nocy. Powiedz gdy ostatni raz. Słońce świeciło ci prosto w oczy. Sypiemy sól do rozszarpanych ran. Daleko nie przez panej nocy. Przemujrzałem, co jest ważne, pośród przepychu miasta bram. Bo jeszcze raz domy staną w ogniu, kiedy nienawiść zastąpi strach. Kolejny raz zasnąłem na barze, w tom jakże piękną i mroźną noc. Z bólu głowy nic nie zostanie, tu kilka ran zabliźni się za rok. Ta noc jest nasza i chyba to wiesz, a jutro nie wszystko wali się. Ta noc jest nasza i chyba to wiesz. Powiedz, gdy ostatni raz. Słońce świeciło ci prosto w oczy. Sypiemy sól do rozszarpanych ran. Daleko nie przez panej nocy. Powiedz gdy ostatni raz. Słońce świeciło ci prosto w oczy. Sypiemy sól do rozszarpanych ran. Daleko nie przez panej nocy. Et donc c'était des Windows avec Soldoran. Soldoran, oui. Et ensuite avec Biała Gorączka, c'est ça? Oui, c'est bon. La fièvre blanche. Alors, ça fait un peu white power comme nom. Hein. Ah non, pas du tout. C'est l'envers. Ouais, c'est juste marrant. Alors, le morceau s'appelle « La nourriture est un toit au-dessus de ta tête ». Ce groupe anarcho-punk vient de Grudziądz. C'est une petite ville dans le nord du pays. Leur premier album est sorti en 1999. Ce morceau est apparu sur un disque de notre organisation polonaise Food Not Bombs, contenant des morceaux de plusieurs artistes différents qui sont conscients des problèmes actuels liés à nos habitudes alimentaires, à la distribution de la nourriture, les inégalités sociales partout dans le monde, etc. Il parle de la nécessité de se nourrir, que ce sont ceux qui jettent de la nourriture dans la poubelle et non pas les gens qui récupèrent cette nourriture de la même poubelle qui ont honte. Il parle de la situation des réfugiés en Europe, des gens qui ont faim sur notre continent et en Afrique aussi. Ils disent en Pologne, en hiver, on meurt sur la neige. Alors, partout dans le monde, sur la neige ou en Afrique, c'est la même chose. Qu'il faut enfin comprendre que le manque de la nourriture ne l'est pas vraiment. Ce n'est pas le manque de la nourriture qui est le problème. En fait, c'est un manque de la justice qui est le problème de tout ça. La source de tout ça. Il cite la solution aussi à la fin du morceau. Les solutions sont les suivantes. Squatting, food not bombs, recyclage, végétarianisme, l'économie du don et tout simplement la nourriture est un toit au-dessus de la tête au lieu de la politique. Idę trząść głową zamiast polityki. Jedzenie, idę trząść głową zamiast polityki. Jedzenie, idę trząść głową zamiast polityki. Jedzenie, idę trząść głową zamiast polityki. Jedzenie, idę trząść głową zamiast polityki. Jedzenie, idę trząść głową zamiast polityki. Jedzenie, idę trząść głową zamiast polityki. To nie my powinniśmy się wstydzić, wyjadając jedzenie ze śmietnika. Nie wstydzi się ten, który je tam wyrzuca. Pod naszymi drzwiami młody w zjednoczonej Europie. Pod naszymi drzwiami znam na przedmieściach metropolii. Pod naszymi drzwiami co 3 sekundy umiera człowiek z głodu. Pod naszymi drzwiami spokój i sumienie. Pod naszymi drzwiami tu bez wody kromka chleba. Pod naszymi drzwiami takie buty dla Afryki. Pod naszymi drzwiami w Polsce zimą umiera się na pod śniegu. Pod naszymi drzwiami widok jakże cudny. Równy wiosek, gdy marnotra swoi próżność pada na byt, gdy martwe, to tą ściany ożywają, pulsują i tańczą. W końcu zrozumiemy, że relacje między nami to nie wykresy zysków i strat, że gdy ktoś głoduje, to nie z braku pokarmu, lecz sprawiedliwości. Jedyna droga, jaka przychodzi nam do głowy, na której nie zostawimy żadnych krwawych śladów. C'était Biała Gorączka avec Jedzenie i dach nad głową. Ça va? Le dernier mot, je l'ai à peu près bien prononcé. Dach, oui, c'est dach. Jedzenie i dach nad głową. Alors, le morceau suivant, dis-nous tout, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est Jestem. Le groupe s'appelle Jestem. C'est un nom intéressant puisque ça se prononce comme Jestem. Le mot en polonais, ça veut dire je suis, mais l'orthographe est un peu différente. Le morceau s'appelle Polscy Chłopcy. Les garçons Le polonais. garçon polonais, Ouais, oui, c'est ouais. ça. Ce groupe est relativement neuf. Leur premier album est sorti en 2002, alors l'année dernière, mais certains membres ont été actifs dans Post-Regiment. Les paroles de ce morceau sont très directes, concernent l'homophobie dans le groupe ultranationaliste en Pologne, surtout le groupe qui sont associés avec la marche à Varsovie le 11 novembre, c'est la fête de l'indépendance de la Pologne. Tu connais cette Oui, à fête? chaque fois, je regarde justement les images des manifestations du 11 novembre en Pologne. C'est pas réjouissant à C'est chaque pas fois. drôle. Non, c'est flippant même. Alors, ce morceau, c'est une histoire d'un gars qui est fier de marcher parmi d'autres gars contre le groupe LGBT et qui aime beaucoup être dans la compagnie d'autres gars comme lui. Ce qui est très chouette, à mon avis, c'est la vidéo qu'ils ont enregistrée pour ce morceau, dans laquelle tous les membres du groupe, et ils sont tous des hommes, s'habillent en drag queen et jouent et chantent dans ce costume fabuleux. Alors, je vous encourage à voir la vidéo aussi, c'est sur YouTube. Że w Polsce lubił oglądać filmy ze Stevenem Seagalem. Interesował się także wojskiem. Pozdrawia polskich nas na ulicy. Pod krótkim blask oświetla marsz. On stoi dumny po sztuki. Zaczarowany walczy dla kraju i dla Boga, lecz ma do siebie wielki żal. Ciągają go chłopcy. Tylko chłopcy, polscy chłopcy. Tylko chłopcy. Bra, bra, bra, bra, bra, babcia, po wojnach się nie schana. Wiemy z dalekich stepów, coś dziewczęta miała. Z zachodu biały wiatry, ze wschodu i z północy. Czy biały złote serca, czy biały głodne oczy. Trochę rycerskim drzwi, mógł jednak sobie mieć. Biedna bra, babcia pokraszła przez głuchą wieś. Spotkała polskich panów wracających z polowania. Skoczyli po kolei, odeszli bez pożegnania. Huzania polskich nas na ulicy. Pod krótki blask oświeca marsz. On stoi dumny pośród wielkijących, lecz pociągają do chłopcy. Tylko chłopcy, polscy chłopcy. Tylko chłopcy, polscy chłopcy. Tylko chłopcy, polscy chłopcy. Tylko chłopcy. Donc c'était Jestem avec Polscy Chłopcy. Oui, c'est ça. Le garçon polonais. Et donc, on va finir avec Life Scars, hein, c'est ça? Oui, j'ai déjà recommandé ce groupe à vous, je crois, dans l'interview. Exactement, exactement. Fait, oui. Mais je voudrais vraiment vous dire quelque chose à propos de ce morceau particulier que j'adore vraiment. Life Scars, c'est un de mes groupes préférés dans la scène polonaise. J'ai interviewé la chanteuse du groupe pour mon livre. Ce morceau parle du temps qui court comme un chien, de nous qui courons avec lui. Alors, c'est un peu abstrait, on peut dire, mais ce morceau parle de la vie. Il nous semble que nous étions des enfants hier, mais aujourd'hui, la vie a remis en question plusieurs choses. Plusieurs gens ne sont plus parmi nous. La personne qui parle dans ce morceau veut que ses amis soient son bouclier et de garder en esprit les choses qui sont vraiment importantes. Elle veut cela. Nous suivons le chemin qu'on a choisi. Aujourd'hui, elle dit, je suis là où je voulais être hier. Alors, vivons à la santé de ceux qui ont dû émigrer pour gagner de l'argent, pour qu'ils puissent revenir à quelqu'un qui les attend. Ils ajoutent à la fin aussi, ce monde est construit de cette façon que pas toujours celui qui est juste est le vainqueur. Alors, il est bon de s'arrêter pour un moment et de remarquer que le temps court comme un chien. C'est une chanson pas très joyeuse hein, pour finir quand même. Un peu, ouais, on va dire empreinte de Un peu nostalgie. nostalgique, mais un Voilà. peu aussi, énergétique aussi. Ah, histoire de garder quand même une petite note positive, on va dire. Oui, j'espère. Ben oui. Eh bien, écoute, Martha, franchement, merci énormément. Je pense que tout le monde aimera écouter ces playlists. Merci d'avoir partagé en tout cas toute cette musique avec nous et d'avoir pris le temps de nous expliquer pourquoi tu as choisi ces morceaux en particulier et de nous parler des groupes et des paroles. Merci énormément à toi. Je vous en prie. J'espère que vous allez aimer tous ces morceaux. Il n'y a franchement pas de raison. Merci, Souris, pour l'invitation. Merci à toi, Martha. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Et donc, restez à l'écoute de Droogies et à la prochaine.